C'est un verre de trop, prince. Vous avez raison. J'en ai déjà bu 3. Et cela ne m'a pas donné d'aile. Seulement mal à la tête. Poursuivez, Eugène Pavlovitch. Je vous écoute. Votre analyse de mon comportement est assez juste. Je ne suis pas d'accord. Et je me sens même indigné lorsque quelqu'un, peu importe qui, vous traite d'idiot. Excusez-moi. Vous êtes un homme intelligent. Je dirais même très intelligent. Vous lisez, comme dans un livre, les moindres pensées des autres. Mais ceci dit, vous êtes plutôt bizarre et vous ne ressemblez pas à tout le monde. Avouez-le. Je l'avoue d'autant plus volontiers que j'en suis moi-même fort déconcerté. J'aime et j'apprécie votre spontanéité et votre franchise absolue. Cependant, je suis obligé de constater qu'au fond de tout ce qui s'est passé entre vous et Nastassia Philippovna, ou entre vous et Aglaé Ivanovna, se trouve d'abord votre inexpérience, vraiment déroutante. Et enfin, une absence totale de mesure. Ah, vous croyez ? J'en suis persuadé, prince. Voulez-vous un exemple ? Oui, donnez-moi un exemple, s'il vous plaît. Tenez. En voilà un parmi tant d'autres. Je connais en détail cette scène étrange et scandaleuse qui s'est déroulée chez Nastassia Philippovna lorsque Rogojin y apporta son sale paquet d'argent. Je vais l'analyser et je vais vous montrer à vous-même comme dans un miroir. Faites-le, Eugène Pavlovitch. Montrez-moi à moi-même. Je vous en serai très reconnaissant. Parfait. Vous avez vécu des années durant en Suisse, rêvant de votre patrie. Vous êtes revenu en Russie plein de confiance et de bonne volonté. Et voilà que dès le premier jour, on vous rapporte l'histoire d'une femme outragée. Et le jour même, on vous la présente. Vous êtes ensorcelé par sa beauté, une beauté démoniaque. Ajoutez l'impression d'angoisse que vous éprouvez en prenant contact avec Saint-Pétersbourg. Et enfin, votre dégoût lorsque ce fils de marchand, Parfen Rogojin, fait irruption avec son sale paquet d'argent et ses acolytes ivres dans le salon de Nastassia Philippovna. Oui, c'est à peu près cela. Il est clair que vous êtes dans un état d'âme tel que vous n'hésitez pas une minute à proclamer publiquement que vous ne croyez pas à l'infamie de cette femme déshonorée. Par la faute d'un vil débauché, et qui aurait pu être son père. Cependant, je me permets de vous rappeler que jadis, une pécheresse fut pardonnée. Mais on ne lui dit pas que sa conduite était irréprochable, qu'elle était digne de respect. Non, on lui pardonna pas plus. Si nous revenons à Nastassia Philippovna, je vous demande, ces mésaventures peuvent-elles justifier son orgueil et son égoïsme ? Oui, tout cela est possible. Elle est réellement trop exaltée, mais... Elle est digne de compassion. C'est cela que vous voulez dire, prince. Cependant, la compassion et le désir de consoler Nastassia Philippovna ne vous donnent pas le droit de déshonorer une autre femme, une jeune fille chaste et généreuse, en l'humiliant devant sa rivale arrogante et méprisable. Après cela, pouvez-vous encore vous considérer comme un homme d'honneur, prince ? Mais peut-être avez-vous trompé cette jeune fille admirable en l'assurant que vous l'aimiez. Mais non, je ne l'ai pas trompée. Je l'aime vraiment. Oh, mais vous avez raison, je suis coupable. Vous avouez que vous êtes coupable et vous persévérez dans votre faute. Mais je vous le jure, je ne comprends pas encore comment tout cela est arrivé. Je courais derrière Aglaé Ivanovna lorsque Nastassia Philippovna s'est évanouie. C'est égal. Vous auriez dû suivre Aglaé Ivanovna, l'autre dût-elle en tomber malade. Mais oui, oui, j'aurais dû. Mais Nastassia Philippovna se serait tuée. Vous ne la connaissez pas. Voyez-vous, toutes les deux ont dit alors le contraire de ce qu'il fallait dire. C'est de là qu'est venu tout le malheur. Je ne pourrais vous l'expliquer à vous, mais peut-être serais-je parvenu à l'expliquer à Aglaé Ivanovna. Oh mon Dieu, je ne peux pas chasser de ma mémoire l'expression de son visage au moment où elle s'est enfuie de chez Nastassia Philippovna. Venez. Venez, Eugène Pavlovitch. Où voulez-vous aller ? Chez Aglaé Ivanovna. Mais elle n'est plus à Pavlovsk. Les Yepanchins viennent de partir pour Saint-Pétersbourg. Et puis, qu'irions-nous faire chez elle ? Elle comprendra. Elle comprendra que ce n'était pas cela, que c'était tout autre chose. Mais quelle autre chose ? Vous allez vous marier avec Nastassia Philippovna, n'est-ce pas ? C'est-à-dire... Oui, je l'épouse. Mais cela n'a aucune importance, ce n'est rien. Vous divaguez, prince. Comment cela n'a aucune importance ? Si je me marie, c'est qu'elle l'a voulu. Quant à moi, que m'importe que je me marie. Seulement, Nastassia Philippovna ne pourra pas survivre si je l'abandonne. Vous comprenez ? Non. Excusez-moi, prince. Vraiment pas. Eh bien, je vais vous expliquer. Je ne puis supporter le visage de Nastassia Philippovna. Je veux dire, certaines expressions de son visage. J'ai peur. J'ai terriblement peur, Eugène Pavlovitch. Vous avez peur? Oui, elle est folle. Et lorsque je la regarde, je sens que je perds moi-même la raison. Vous êtes sûr qu'elle est folle? Avant, je l'ignorais, mais à présent, j'en suis sûr. Mais alors comment pouvez-vous envisager un mariage avec une folle? Ah! Voici son bourreau. Et peut-être le mien. Voici parfait Rogojin. Il me suit partout. Parfois, il me semble que je réussis à lui échapper. Erreur! Il est toujours derrière moi. Regardez ses yeux. Ils sont fixes et implacables. Et ses mains? Ne sont-elles pas celles d'un étrangleur? Vous rêvez, prince. Vous avez pris sans doute pour Rogojin l'homme qui vient de s'asseoir à la table voisine. Il est vrai qu'il lui ressemble. Mais non, je ne vous parle pas de l'homme qui s'est assis à la table voisine, mais de celui qui se tient derrière la fenêtre dehors et qui nous épie de son regard. Je ne vois personne derrière la fenêtre. Allons, reprenez vos sens, prince. Vous avez raison. Il n'y a personne derrière la fenêtre. J'ai dû rêver. Poursuivez, Eugène Pavlovitch. Je n'ai plus grand-chose à dire. Je constate que vous êtes actuellement, comment dirais-je, dans un état de surexcitation extrême, et que vous agissez sous l'emprise d'une sorte de crainte pathologique. Au fond, vous n'aimez pas Anastasia Philipovna. Oh si, je l'aime de tout mon cœur. Savez-vous que c'est une enfant, une vraie enfant? Oh, je renonce. Je renonce à comprendre, prince. Vous êtes trop déconcertant. Après m'avoir avoué que vous avez peur de Nastasia Philipovna, vous me dites maintenant que vous l'aimez. Comment pouvez-vous alors prétendre que vous aimez Aglaé Ivanovna? Mais parfaitement, j'aime Aglaé Ivanovna. Ce n'est pas Nastasia Philipovna qui est folle, c'est vous qui êtes fou allié, prince. C'est possible, mais cela n'empêche pas que j'aime Aglaé Ivanovna. Maintenant, cela suffit. Votre malice est cousue du fil blanc. Je refuse de participer plus longtemps à la comédie que vous jouez à vous-même. Oh, vous pensez que je me donne un spectacle à moi-même? Vous vous trompez, cher Eugène Pavlovitch. Vous ne croyez pas à ma sincérité parce que vous ne comprenez pas. Aglaé Ivanovna, elle, me croirait et comprendrait tout. Non, Aglaé Ivanovna ne comprendrait rien. Elle vous a aimé en femme, d'un amour humain, et non comme une incarnation de je ne sais quoi. Voulez-vous ma conclusion sur cette triste affaire? La voilà. Vous n'avez jamais aimé ni l'une ni l'autre de ces femmes. Osez dire le contraire. Je n'en sais plus rien à présent. Vous avez peut-être raison. Cependant, j'étais persuadé de... Oh. J'ai de nouveau mal à la tête et l'air me manque. Je n'arrive pas à lire clairement moi-même. Mais enfin, que faisons-nous ici dans cet affreux café où il fait froid? Froid à vous geler l'âme à jamais. Partons, Eugène Pavlovitch. Allons retrouver Aglaé et la lumière. Je vous en supplie au nom du Christ. Mais je vous dis qu'elle n'est plus à Pavlovsk. Elle est à Saint-Pétersbourg. Allons à Saint-Pétersbourg, alors, et tout de suite, avec le premier train. C'est impossible. Je ne peux pas vous emmener chez Aglaé Ivanovna. Ce serait de ma part une goujaterie. Oh, vous ne le pouvez pas, en effet, je comprends. Mais je vais lui écrire une lettre, hein. Vous la lui remettrez? Non. Non, je ne le ferai pas non plus. Je compatis à votre douleur, que je crois de nouveau sincère. Mais ne me chargez pas de telles commissions. Prince, j'ai l'honneur de vous saluer. C'était L'Idiot, un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Michkine, et Jean-Louis Lérac, Eugène Pavlovitch. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.